Je n'ai pas oublié, voisine de la ville, notre blanche maison, petite, mais tranquille, sa pomone de plâtre et sa vieille Vénus dans un bosquet chétif, cachant leurs membres nus. Et le soleil, le soir, ruisselant et superbe, qui, derrière la vitre où se brisait sa gerbe, semblait, grand œil ouvert dans le ciel curieux, contempler nos dîners longs et silencieux, répandant largement ses beaux reflets de cierge sur la nappe frugale et les rideaux de serge.